Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche au menu spécial Action. Et oui, ce soir, ça va remuer. En entrée, je vais donc vous proposer Soldier avec Kurt Russell, une espèce de série B dans l'univers de Blade Runner. Attention, on est très loin de Blade Runner quand même. Oui, Chacha, je sais, on en est loin. En plat principal, je vous propose Flashpoint avec Donnie Yen, un bon polar d'action bien nerveux. Au dessert, Le Corbeau vous proposera Novocaine, donc le dernier film d'action blockbuster à la mode. Je suis pas sûr qu'il ait aimé tout ce qu'il y a à la mode, il aime pas trop le Corbeau en général. Et enfin, en dessert, un petit Triple Threat, plein de grosses stars d'action qui se foutent sur la gueule. Du Scott Adkins, du Michael J. White, du Iko Uwe, du Tony Jaa, ils sont tous là. Bref, allons-y, on va commencer avec Soldier. Et c'est encore un film tiré au dé. Mais cette fois-ci, je trouve que le tirage a été plutôt clément. Et pourtant, j'ai vu... Oui, je sais. Oui. Et pourtant, j'avais vu ce film à sa sortie sur Canal et j'en avais un souvenir plus que mitigé, voire franchement pénible. Je dois avouer qu'en plus de retrouver Kurt Russell, voir les bonnes ganaches de méchants que sont Gary Busey et Jason Isaac, ça ajoute vite au plaisir de visionnage. Oui, je sais, moi aussi je les aime bien. À cela s'ajoute une violence sèche, assez appréciable en ces temps aseptisés. L'histoire n'est finalement pas si dénuée d'intérêt, bien qu'assez convenue. Un soldat d'élite, génétiquement amélioré, et balancé sur une planète dépotoir peuplée de laissés pour compte. Il va alors les protéger contre ceux qui se sont débarrassés de lui, et finira par se battre contre son remplaçant de nouvelle génération, dans un climax aussi sadique que violent. Petite ombre au tableau, les SFX sont vraiment cheap, et même si cela confère un certain charme aux scènes spatiales, cela nuit un peu à l'ensemble. Dans l'ensemble d'ailleurs, c'est un film plutôt appréciable de la filmo de Paul W.S. Anderson. Après, on connaît tous la filmo de Paul W.S. Anderson. Quand on dit que c'est appréciable dans sa filmo, ça veut dire que c'est pas Resident Evil ou Monster Hunter, quoi. Petit moment ralage, le marketing nous vend le film comme se passant dans l'univers de Blade Runner. Depuis quand c'est un putain d'argument? Si je vous dis que Le Jardinier se passe dans le même univers que Adieu les cons, ça n'en fera pas un meilleur film? C'est débile comme argument. Bon, allez, sans vraiment le réhabiliter, c'est plutôt fréquentable en fin de compte ce Soldier. Donc une entrée en matière finalement mi-figue mi-raisin, pour rester dans le thème de la gastronomie. Bon, et en plat principal, donc je vous propose Flashpoint. Et je ne vais pas vous parler du navet de chez DC, mais de l'excellent polar de Wilson Yip avec Donnie Yen et Colin Chou. Il est peut-être de la famille de Danny Chou d'ailleurs, je sais pas. Bon, faudrait que je lui demande. Bon, j'avais vu ce film à l'époque et j'en avais gardé un très bon souvenir. Deux bonnes bastons, rapides et violentes, et un Donnie Yen hyper arrogant. Je suis parfaitement d'accord avec mes souvenirs pour une fois. Si ce n'est que l'action à proprement parler, se fait attendre la première heure avant d'exploser violemment comme le personnage de Donnie Yen. Et oui, son personnage est ultra arrogant dans sa façon d'être, sûr de lui et de sa supériorité. Et on va pas se mentir, c'est clairement lui l'attraction du métrage. Même si le scénar et le cadre sont tout à fait corrects, ils sont aussi peu originaux. Et ce Flashpoint ne brille pas de ce côté-là. En revanche, les artistes martiaux qui composent le cast, ils sont impressionnants. Que soit donc Donnie Yen, Colin Chou vu dans Dead or Alive, celui avec des nichons, pas l'autre, ou encore Shi Yaneng, désolé pour les prononciations, vu en mettre des coups de pied dans Crazy Kung Fu, chacun rivalise de vitesse et de violence, et chacun de leurs affrontements nous laisse également KO. J'ai beaucoup apprécié redécouvrir ce film, il est très bien rythmé, ne dure qu'1h20, et remplit toutes ses promesses, c'est-à-dire nous en foutre plein la gueule. Et en parlant de film qui tient toutes ses promesses, écoutons donc Le Corbeau nous parler de Novocaine. Nathan, un employé de banque, souffre d'un mal assez rare, une insensibilité à la douleur. Il doit toujours faire attention à ne pas se blesser. Évidemment, vu sa santé, lui et les femmes, c'est comme la politique et l'honnêteté. Mais chose incroyable, Cherry, une employée, semble en pincer pour lui, jusqu'au jour où, lors d'un hold-up, elle est prise en otage et enlevée par les braqueurs. N'écoutant que son imbécilité, Nathan vole une bagnole, se lance à leur poursuite et va profiter de son don pour sauver sa princesse des griffes du dragon. Alors, vous avez tous reconnu le scénario, hein? C'est hypertension, avec un petit zeste de Hardcore Henry. Rien de neuf sous le soleil. Là où on avait le charisme de Statham et la folie du Réal, on se retrouve avec Jack Andy Quaid et des réalisateurs de téléfilms. Ça se vous foutra qui est un peu irrespectueux, et c'est juste interdit aux moins de 12 ans. Le gars s'en prend plein la tronche, mais il n'y a aucune folie dans le film. C'est aussi vite vu qu'oublié, et prévisible à souhait. À noter la présence de Amber Midthunder, vous l'avez sûrement déjà vu. Vous savez, l'indienne qui affrontait le Predator dans Prey. À part ses tatouages charme, vous allez sérieusement vous gratter les couilles. Enfin, si vous en avez. D'ennui. Revoyez plutôt les deux hypertensions. Oui, rien que la scène de la moto écrase de drôlerie et d'impertinence cette pâle ressucée. Bon alors, apparemment, le film ne tient pas toutes ses promesses, contrairement à ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Eh bien, pour ne pas rester donc sur une mauvaise note, je vous propose de terminer avec Triple Threat. Bon, je dois admettre que la toute première partie du film m'a fait furieusement penser au début de Predator. C'est pas la meilleure partie de Predator, ceci dit. Dommage que la suite n'ait pas pris la même direction. Sans être catastrophique, la suite du métrage est plutôt décevante et ronronne trop tranquillement. J'ai donc laissé mon esprit vagabonder à un Predator next-gen. Eh oui, faut on s'occupe comme on peut. J'y verrai bien notre cast, soit Tony Jaa, Tiger Shen, Iko Uwais, Michael J. White et Scott Adkins, avec en bonus, pourquoi pas, Gérard Butler et JCVD pour le clin d'œil, Yayan Ruyan et Joe Taslim pour se friter avec un Yotcha en pleine guerre du Pacifique. Et oui, pourquoi pas. D'un œil distrait, je suis donc très vaguement le développement de ce Triple Threat. Iko Uwais joue triple jeu, d'où le titre, pour se venger de Scott Adkins et Michael J. White, en s'associant avec Tony Jaa et Tiger Shen pour protéger une riche femme. Hormis un ou deux combats un peu expéditifs, je suis plutôt déçu et dans l'attente d'un peu plus d'action. Et alors là, à 20 minutes de la fin, pendant le climax, eh ben je suis enfin servi. Ouais, comme quoi tout arrive. Et enfin, ça bastonne à tout va, du 1 contre 1, du 2 contre 1, du match en équipe. Et enfin, notre cast peut s'en donner à cœur joie et lâcher les chevaux. Ça a été long, mais ok. Ok, le climax vaut le coup. C'est quand même ballot de s'être cogné une heure de scénario passe-plat pour en arriver à ce résultat. C'est pas mauvais, mais c'est un chouïa déceptif. Et c'est de cette manière que va se clore notre ciné-dimanche, c'est pas mauvais, mais un peu déceptif. Tiens, c'est marrant, pas mauvais, mais un peu déceptif, c'est comme ça que Sixties m'appelle de temps en temps. Qu'est-ce que veut dire par là? Bon, bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon dimanche, je vous conseillerais donc d'aller voir en tout cas au moins Flashpoint, qui est un très bon film, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.